sentir l'odeur de ton parfum se mélanger au mien pour former les arômes du destin et continuer main dans la main. Je me souviens de ce jour où j'étais près de toi, ce jour de grand amour, mais nous n'en sommes plus là. Je m'éloigne de toi pas à pas, je m'éloigne de nous jour après jour. J'étais près de toi, ce jour de grand amour, mais nous en sommes plus là. Je m'éloigne de toi pas à pas, je m'éloigne de nous jour après jour. Je m'éloigne de toi.